could do to the stars. Save, save us, remember me. I'm still what we thought we could be. Save, save us, remember the dreams that started to burst at the seams. Save, save us, don't wanna know that it's time to let this thing go. Mille raisons de m'envoyer. numéro 19. Peut-être que vous pensez rêver, mais non, ce n'est pas une illusion d'optique ou une illusion auditive. C'est bien le retour de Rare Riot avec Boy, pièce qui était sur le palmarès cet automne, mais qui est de retour maintenant dans le palmarès en position numéro 19 en tant que nouvelle entrée sur leur album The Orchard. Avant ça, du côté franco, c'était Alex Nevsky avec Mille Raisons. Ça, c'est vraiment une nouvelle entrée de l'album De Lune à l'Aube. Et il nous reste encore, 4 nouvelles entrées à entendre du côté francophone. Tout à l'heure, il va y avoir Jérôme Mignard avec Le Vrai, Le Faux. Mais on débute avec le côté anglophone. Voici Black Mountain et Buried by the Blues. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou, la crème de la crème. Ah, la crème. Sur une tarte au sucre, genre. Oh oui. Absorbed forever into the darkest shades, or vanish from the light to the still colonies enslaved forever, or buried by the blues where your wounds like a soldier. Your ghost run loose against the night. You will rise and set your body free. Frontier of light, you desire to let your body sleep. Beau monument dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur Internet. Une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment. Jérôme Mignard à la pièce Le vrai, le faux. Au palmarès, c'est fou. Je suis désolé de vous gâcher votre plaisir, mais c'est tout ce qu'on peut vous jouer. Un extrait d'une minute. C'est dommage, hein? Mais bon, je préférais ça que de ne pas la jouer du tout, hein, parce qu'on n'a pas la pièce en ce moment avec nous. Mais c'est même pas grave. On la fera jouer une autre fois. Jérôme Mignard, Le vrai, le faux. Ça me déçoit autant que vous. Je suis, c'est triste. Mais tu sais, mieux vaut un petit peu que pas du tout, hein? Bon. Avant Black Mountain avec Buried by the Blues, nouvelle entrée en 18e position anglophone. Ça vient de l'album Wilderness Heart. Avant ça, ben, c'était les 19e. Avant ça, c'était les 20e. Et nous, on continue vers les premières. C'est un peu le principe du palmarès. Et puis, des fois, ben, on saute par-dessus des affaires, comme les prochaines. On va sauter par-dessus du francophone Danny Placard avec Ariane en 17e et Alexandre Désilet en 16e avec Le Souffle Court. On va rester du côté anglophone pour entendre les deux dernières nouvelles entrées de cette semaine. Tout à l'heure, Final Flash avec Go Outside, mais tout de suite, voici P.S. I Love You et le morceau Face Love. Non, il est pas mal assez fou. Vraiment plate pour Jérôme Mignard. Dommage. Oh, Restez avec nous au retour, il y a Final Flash, Diamond Rings, Hôtel Morphée et les Frères Goyette dans les Palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Numéro 16. Flash et la pièce Go Outside, nouvelle entrée en position numéro 16 anglophone, pièce à laquelle je réponds non, jamais! Jamais parce que dehors, c'est pour les autres. Hein? Avant, 16e position francophone, on a sauté par-dessus Alexandre Desilets et Le Souffle Court, ça descend de deux places. On est rendu au 15e position du côté anglo, c'est Diamond Rings, avec une pièce qui dure depuis très longtemps, hein? C'est sa 9e semaine, mais des fois, tu sais, j'ai des choses à sauter. Des fois, on saute par-dessus des affaires, tu sais, parce qu'elles sont très, très, très, très, très vieilles. Dans ce cas-ci, je peux pas la sauter, elle est trop bonne. C'est Diamond Rings, Something Else. Ça descend de la 8e place. On débute par contre avec Hôtel Morphée. C'est aussi ça descend de la 8e. Voici Novembre est mort dans les Palmarès C'est fou au 89.1 FM. La formule classique, les Palmarès C'est fou au 89.1 FM. On s'habitue à l'entendre, celle-là. C'est donc bien too bad, hein? Parce que je la dis souvent. Décembre est là. numéro 15. Diamond Rings et Something Else pour son numéro 15 anglophone. Ça descend de la 8e place. Et avant, on a entendu Hôtel Morphée avec Novembre est mort. Ça aussi, ça descend de la 8e position. C'est sur le maxi qui s'appelle aussi Novembre est mort. Hein? C'est conséquent quand même, cette affaire-là. Côté 14e position, en anglophone, on va entendre Imaginary Cities avec Say You, qui est stable en 14e anglo. Mais avant ça, on va aller entendre une pièce qui a été diffusée pour la première fois, je crois, assez fou, en tout cas. La semaine dernière, dans les palmarès assez fous, c'était une nouvelle entrée. C'est la formation Cri du chat. En fait, ça a été diffusé pour la première fois, je pense, dans l'émission de Danny du Dîner de con, c'est vrai. Tout à fait, Dîner de con. C'est de là que partent bien des choses. Donc, Cri du chat, c'est un style très, très particulier, très différent. très spécial, je dirais. Donc, Cri du chat, nouvelle entrée de la semaine passée, maintenant en 14e position, voici l'Auberge sanglante. Au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Miaou. numéro 14. I went out into the darkness. Darkness turned to light. And when I found my freedom, he said that freedom wasn't mine. I crossed the mighty ocean to watch you from afar. I climbed the highest mountain to see just where you are. Say you, say you, say you. La formation Imaginary Cities avec See You, stable en 14e position anglophone. Avant ça, on a entendu Cri du chat avec l'auberge sanglante qui montait de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Il nous reste un petit bloc à faire dans cette première heure. Il va y avoir tout à l'heure Close Make the Man avec Dreamless Nights. Ça monte de 4 places en 13e anglophone. Mais avant ça, voici Golden Collider et Sound Central qui descendent de 3. Et reste avec nous parce que plus tard, dans la deuxième heure, Stéphanie Gagné va être avec nous pour le reste de l'émission. Quel privilège elle a de t'allumer avec moi. Pas vous de l'entendre, elle. numéro 13. The whole world's watching. The whole world wants so much more. All you hold so dear. You better learn to hold it near. Up as we sprawl, can someone hear me? I know someone can hear me. The whole world's watching. The whole world wants bridge collapsing, planes come crashing and chasing. Clothes Make the Man et Dreamless Nights en position numéro 13, ça monte de 4 places. Avant ça, c'était Golden Collider qui descendait de 10 de 3. De 10 de 3, de la 10 de 3 positions, mais de la 10e à 13e. Ça a du sens quand on a le papier dans les mains. Golden Collider et la pièce Sound Central. Voilà pour la fin de la première heure des Palmarès C'est fou. Il y en a une deuxième dans quelques minutes et Stéphanie Gagné va être avec moi pour animer le reste de l'émission. Il va y avoir sa chronique Guess What sur les actualités culturelles. Toujours de la misère à dire. Et les meilleurs moments d'assemblage requis. Mais j'ai toujours de la misère à dire pas mal tout dans la vie. Fait que c'est pas grave. Restez là. Bon, attends, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 janvier 2011. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Gagné. Plante. Voilà, tout ça finit par yé. Moi, c'est te. Te. Te. Tousignan! Yeah, yeah! OK, bon, donc, cette deuxième heure commence par nos positions numéro 12. Du côté anglophone, on va entendre Random Recipe avec Lack of Sleep qui monte de 3. Et du côté francophone, une chanson pas mal bien rodée. Ça fait quand même 7 semaines qu'elle est là. C'est Mercury, Pierre Mercure, des Frères Goyette. On écoute ça à l'instant dans les palmarès. C'est fou pendant que tu prépares Guess What? Guess What? Qui s'en vient? Tantôt? Tu casses tout le punch là, de dire que je suis en train de la préparer. Oups! Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table.

Reservation. Ben, vous l'aurez deviné. Et oui, The Winter Sleep, c'était à la 11e position stable et c'est sa 7e semaine. Alors ça, du côté franco, c'était Chantal Archambault avec Panache qui monte de 5 places. C'est sa 4e semaine sur l'album La Romance des Couteaux. On est rendu aux 10e position, mais avant ça, Stéphanie, j'ai besoin de ton aide. Oui. On va fouiller un petit peu ailleurs dans les palmarès. Allons-y. Parce que pour les non-initiés, hein, les gens qui viennent d'arriver, là, bonjour premièrement, merci d'être avec nous. Les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Commençons par le top 30 des CD. Il y a trois nouvelles entrées. En 30e place, Wing and Hollow avec Frozen Trees. En 20e, Wolf and Cub, qu'on a entendu précédemment avec Science and Sorcery. Même chose pour la 18e place, P.S. I Love You avec Meet Me at the Muster Station. Top 3, Steph? Top 3? Ou tu fais pas le top 3 des CD? Non? Ben, veux-tu que je le fasse? C'est ben, il y a aussi le top 3 des 10 canadiens. Hein, lequel tu veux? OK, il se ressemble pas mal. Je vais te laisser faire le top 3 du top 30 des CD. Parfait. Troisième position, Sufjan Stevens avec The Age of Odds. Deuxième position, The New Pornographers avec l'album Together. Et numéro 1, qui était à la 10e position la semaine dernière, Nan Zenat avec leur démo. Dans le top 3 des disques canadiens, la seule qui n'est pas pareille comme ton top 3, hein, c'est la troisième position, Atomic Baobab avec Atomic Baobab EP. En deuxième, c'est la même chose que toi, The New Pornographers avec Together. Même chose pour la première position, Nans and Nat avec Demo CD. Les trois positions canadiennes. Oh, Canada. Top 10 électronique maintenant. Il y a plusieurs nouvelles entrées. J'en vois 5. En neuvième, Games avec That We Can Play. En sixième, Clan of Zymox avec Hidden Faces Reissue. En cinquième, oh, on l'a découvert ce matin. En fait, on l'a écouté ce matin parce que c'était pas quelque chose de caché, là. Braids avec Native Speaker. On l'a entendu ce matin dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. En position numéro 3, Junip avec Fields. Et en première place, c'est MF slash MB slash avec Folded. Est-ce que j'ai sauté par-dessus numéro 2? Oui. Death in Plains avec Unreleased Demo Past. Mais c'est pas grave. Je laisse faire le top 10 loud et je me la ferme. Deux nouvelles entrées du côté top 10 loud. 10e position, Stratovarius avec Elysium. Regarde ça, la 7e position. Est-ce que tu es capable de dire l'artiste? Non. Nera. C'est ça. Avec Forging the Eclipse. Troisième position, c'est Electric Wizard avec Black Masses. Deuxième, Aggressor avec Staring Down at You. Et stable à la première position, The Ghost avec Opus Eponymous. Tu vois, c'est pour ça que je saute par-dessus des affaires. C'est parce que c'est tellement compliqué les noms dans les top 10 loud électroniques qu'à un moment donné, on ne suit plus la route du tout. Mais c'est pas grave, on les aime pareil. On les aime. On vient à notre palmarès bien standard. On est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, c'est Tokyo Police Club. Hey, Yabba Dabba Doody. Avec Favorite Color, ça monte de 6 places. Pourquoi Doody? On aime ça. Doody, c'est du caca. Fait que je sais pas, là. Yabba Dabba Doody, ça fait bizarre, ça. En effet. Et du côté francophone, on va entendre 354 Barry avec Al Azil, qui était à la 15e position la semaine dernière. Ah, c'était là qu'il allait, mon Yabba Dabba Doody. C'est parce que moi, j'aime pas ça. Mais bon. T'es pas gentil. Ah, je sais, je m'excuse. Stainless Citroën. Club avec la pièce Favorite Color à la 10e position. Avant San Franco, c'était 354 barils avec à l'asile qui monte de 5 places, 350, 4 barils, un affaire de charge, je comprends rien à ça. Pourtant que je comprends rien à la chanson, pourquoi qu'elle est bonne, tu sais. Je savais même pas si ça avait un rapport avec des autos. ou des moteurs, ou des affaires de mécanique, ou de je sais pas. Là. Ah. Quelque chose de bien, bien masculin, tu sais, le contraire de ma virilité légendaire. Ben, t'as été très masculin tantôt, en tout cas, quand t'as voulu voir mon fond d'écran. Ah, ouais. Ouais, je l'avoue. Il y a des gens, des animateurs assez fous, un animateur, je dirais pas qui met des photos assez séduisantes sur le fond d'écran du co-animateur. Ah, eh bien, c'est changé maintenant. C'est ah! Quelqu'un de très c'est qui, séduisant. C'est qui t'a mis Yodley Hee Hoo, là? Jensen Ackles. Just like a love, lovely, little boo. Shabbily boop, bop, bidi, bidi, boop. No. Comment il s'appelle? Jensen Ackles. Jinsagly bop, blum, bum, boo. Il joue dans Supernatural. Ah, ok, bon. J'écoute pas ça. Moi, oui. C'est pas grave, il n'y a pas la fille de tantôt dedans, elle la regardera pas. Ah, c'est tellement, tellement colon comme remarque que je m'excuse. Alors, on est rendu au position numéro 9, ça ne représente pas du tout la vision de ces fous. D'ailleurs, je retire ses propos. Censure! Neuvième position anglophone, c'est The Gaslight Anthem avec Bring It On, ça monte de 3 places. Et côté francophone, Ariel avec la pièce Mauve qui monte de 4 positions. Gentle scabaloo ba blam bam bibli boo ba blam bam babli boo. On ne faut pas jouer ceci. Non. C'est du Little Richard. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est un style. Ah oui. Tutti Frutti. Ça donnait son nom à un restaurant. Tutti Frutti. Ouais. Mauve, ma muse anonyme, complice Au retour de Gaslight Anthem, Chili Gonzalez, Danko Jones, Ariel, Jimmy Hunt et Jérôme Dubicloutier dans les Palmarès C'est fou au 89.fr. C'est fou. 89. 1-1. Numéro 9. My queen of the Bronx, blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the fevers that just won't quit, and give me the children you wanna raise, and tell me about songs. If it's better than my love, then bring it on and take it back out to the streets where you know you used to be. For the Romeos uptown, if I bring you down and you're tired of those vows and you're really walking out, songs, if it's better than Gaslight Anthem, position numéro 9, anglophone, ça monte de 3 places. Avant, c'était Ariel avec Mauve de leur album Après le crime. Voilà, tout à l'heure, on aura nos positions numéro 8, c'est-à-dire Jérôme Dupuis-Cloutier et Chili Gonzalez avec Never Stop, la pièce des iPads. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Mais avant ça, c'est le moment des nouvelles artistiques et ben, il n'y a pas de, S. Z. Et culturelles et artistiques, je ne sais pas lequel j'avais dit en premier. Voici Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Culturel et artistique. Artistique et culturel, c'est pas mal la même chose, finalement. C'est pas grave dans le sens, dans quel sens ça va. Donc, Stéphanie Gagné, quoi de neuf cette semaine? Pas mal de choses. Premièrement, je pense que pas mal de monde a entendu parler des nominations aux Oscars. C'est sorti cette semaine et on en entend parler partout. Alors, je vais vous en nommer quelques-uns. Acteur principal, il y a James Franco dans le film 127 heures. Il y a aussi Colin Firth avec le discours du roi et Jesse Eisenberg avec The Social Network. Mm-hmm. Que ça serait vraiment bizarre qu'il gagne, mais ça serait cool parce que... Bizarre parce que... Ben, c'est vraiment pas le genre d'acteur qui est souvent oscarisé. C'est vraiment... c'est assez classique, là, les Oscars. Fait que... D'habitude, ils sont assez fermés. Il est trop jeune, peut-être. Trop ouais. cute! C'est ça, non? Nah. Non, c'est pas ton genre. Non, vraiment pas. Moi non plus. Actor in a supporting role, il y a Christian Bale pour The Fighter, Mark Ruffalo pour The Kids Are Alright et Jeffrey Rush pour The King's Speech. Pour actrice, Nicole Kidman, Rabbit Hole, Natalie Portman, Black Swan... que j'ai tellement hâte de voir, mais que je veux pas voir en français, fait que je vais attendre que ça sorte en DVD. Michelle Williams avec Blue Valentine, que j'ai vraiment hâte que ça sorte au cinéma. Bref, et ça continue comme ça, je vais poursuivre avec les films. Ce sera pas là, bon. Best Picture, Black Swan, The Fighter, Inception, Kids Are Alright, The King's Speech, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3. True Grit et Winter's Bones. Alors voilà, il y a beaucoup d'autres catégories. Je voulais seulement vous donner les catégories principales. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte. Les Oscars, c'est quand la soirée? Est-ce que tu sais? Ah, je l'avais déjà mentionné. Il y a une coupe de Guess What. A few Guess What's ago. A few Guess What's le 27 février. D'accord. Ah, ben tiens, c'est proche. Ça vient. C'est très bientôt, dans un mois exactement. Oui. Ensuite de ça, autre nouvelle, le groupe Warner Music, qui est quand même une assez grosse compagnie, est en vente. Ah, ah, ah! Ouais, on sait que le monde de la musique, ça va pas super bien. Alors, ils veulent vendre ça. On connaît, il y a Death Cab for Cutie qui est signé sur, sur ce label-là. Alors, ça reste à voir. On sait pas encore si le groupe va être vendu en un seul morceau ou si ça va être séparé en plusieurs morceaux. Fait que ça reste à voir. Mais c'est quand même assez important parce que c'est assez gros comme compagnie. Alors, on peut voir que ça va pas très bien dans le monde de la musique. Mm-mm. Ensuite de ça, meilleure nouvelle, on connaît les participants pour les Francouvertes 2011. Alors, il y a un seul groupe que je connais là-dedans, c'est Auguste, qui était là au Mardi la Relève 2010. Je vais en nommer quelques-uns, peut-être que toi, tu vas en connaître. Okay. Isabeau et les chercheurs d'or, Tracteur Jack, Canaille, Cardinal, Hugo Boursier, Eugène et le cheval, Mordicus, Le Kid et les Marinelli, Ils dansent avec les genoux, Miel, Filon d'or, Émile Groff, Benoît Rochelot, Taco Tubo, Caro et moi, Chloé Lacasse, Karim Ouellette, les Handclaps, les Incendiaires. C'est un petit quoi, les Incendiaires? Moi aussi, les Handclaps aussi, et Isabeau et les Chercheurs d'Or. C'est trois noms qui me disent quelque chose, mais je ne pourrais pas te nommer de pièces. Donc, non, ça va être des choses qu'il va falloir mettre sur notre liste de choses à faire jouer pas mal plus souvent. Assez fou, nous qui sommes supposés à être la radio de la relève musicale. Voilà. Voilà. Et c'est ça, les Francouvertes, c'est présenté du 7 février au 3 mai. Ensuite de ça, nouvelle très cool cette semaine, Mister Valère a lancé son application iPhone. Juste pour le groupe Mister Valère. Oui, okay. C'est le premier groupe québécois à faire ça. Mm-hmm. J'ai vu ça sur showbiz.net, vous pouvez aller voir ça. Donc, ils ont lancé ça mercredi. Et je cite, cette application proposera une section flipbook conviviale, des nouvelles en primaire, un partage de photos entre fans, de même qu'un espace d'écoute de remix fait par des remixeurs connus, dont l'ex de Radio Radio et d'autres à découvrir. Et c'est Indica Records qui ont dit ça. De plus, un jeu vidéo MU6 créé par les gagnants de Bivouac Urbain 2010 sera très bientôt proposé aux fans via l'application. Eh ben, très cool. Très bonne idée. Ouais, c'est vraiment très spécial. Non, ça, c'est pas une nouvelle. Non, c'est vieux, non. Ça. Vieilles affaires. Non, ça n'a aucun rapport. Oh, Stéphanie, attention, là, ton chang-chang de vang des ping-pong. C'était le site du Archambault. OK. Ensuite de ça, You Say Party, We Say Die ont annoncé... Non, pas de We Say Die. C'est juste You Say Party. On dirait que je suis trop habitué. Est-ce qu'ils vont rééditer leur album le plus récent sous le nom de You Say Party? Juste pour qu'on... Parce que là, on a encore le We Say Die sur la pochette. C'est difficile de se l'enlever de la tête. Là. C'est ça. Ouais. Mais non, il n'y a pas une nouvelle par rapport à ça. Non. Ils vont sortir un autre album, mais ça va être You Say Party. Et c'est vraiment bizarre de dire ça sans le We Say Die, mais bon. Est-ce qu'on doit rappeler aux gens que le batteur du groupe est décédé? on vient de le faire. C'est ça. Alors, les gens ne savent pas nécessairement, il faut leur dire. Non, alors c'est pour ça qu'il n'y a plus de We Say Die, c'est seulement You Say Party. Et ils ont annoncé une tournée nord-américaine. Ils vont passer au Québec le 9 mars au Île Motor et le 10 mars au Cercle. Ensuite de ça, autre nouvelle, on change de page, on change de page. C'est bien d'être au courant de tes clics, Stéphanie, j'apprécie. J'ai quelques films, quelques suggestions de films pour vous. Ben, premièrement, il y a plusieurs films qui sont présentement au cinéma et qui font partie des nominations aux Oscars, dont 127 heures qui va sortir demain. Ensuite de ça, il y a Le discours du roi, c'est sa deuxième semaine. Le signe noir, Black Swan, deuxième semaine aussi. Et un film que j'ai été voir cette semaine, ça n'engage à rien, comédie romantique, hilarante. No Strings Attached. C'est ça avec Ashton Kutcher. Ashton Kutcher et Natalie Portman. Mais bon, oui, c'est une comédie romantique, mais Natalie Portman, elle fait pas n'importe quel film. T'sais, on s'entend qu'elle choisit quand même ses rôles. Ouais. Donc, c'est quand même une très bonne comédie romantique. Sérieusement, ça faisait un petit bout que j'en avais pas vu une que j'avais autant accroché. T'as ri à en pleurer. Ah oui, là, j'ai pleuré tout le long du film, là, pis pas de tristesse. Et ton ami a pleuré de tristesse? Ouais, ben il y a des bouts de tristesse, c'est sûr. Là, j'ai les larmes aux yeux, mais quand j'ai pleuré, c'était vraiment de rire. Ah. C'est vraiment très, très drôle comme film. D'accord, je retiens. J'ai bien aimé ça. Et aussi, c'est assez réaliste et c'est assez cru par bout. Ah! Mais tu sais, la plupart des scènes amoureuses, ils arrêtent quand ça commence. Ouais. Mais là, non, ceux-là, on voit du début à la fin. T'sais. Bon! C'est raison vraiment... de plus pour y aller. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Ensuite de ça, deux nouveaux clips qui sont sortis. Premièrement, il y a Matt and Kim qui ont sorti le clip pour leur premier single, Cameras. Ça fait quand même longtemps que la chanson est sortie, alors je trouve ça spécial que le clip vienne juste de sortir, mais c'est un clip vraiment très drôle. On voit Matt et Kim qui sont en train de pratiquer, sont en train de jouer, et là, Kim accroche son drum et il tombe sur le micro de Matt qui le reçoit en pleine face. Et là, il se fâche, il lance un bâton, et là, bref, c'est la guerre. Ils se mettent à se battre, mais avec tous les objets qu'il peut y avoir dans leur studio. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. C'est un peu violent. Il y a du sang, tu te quittes. Ah ouais? C'est vraiment ça va cool. Jusque-là. D'accord. Oui, oui, c'est vraiment très pas drôle. Pas de sexe dans celui-là, par exemple. Non, c'est seulement de la violence. Non, tu des fois à la fin d'une chicane, ça. Non, après ça, ben ils replacent leur truc pour recommencer à pratiquer. D'accord. Mais bon, j'ai bien aimé. Et finalement, le deuxième clic, c'est pour She and Him avec la pièce Don't Look Back. Clip très rétro qui fit pas mal avec la musique de She and Him. Ça a l'air d'être un peu dans les années 50 quand ils essayent de penser à de quoi le futur va avoir l'air. Donc là, tu vois des trucs robotiques, mais vraiment très rétro quand même. Et c'est très cute. Est-ce que t'as envie qu'on l'écoute? Allons-y! Ça me serait une pas pire idée. She and Him avec Don't Look Back au 89.1 FM. C'est le blog Guess What de Stéphanie Gagné. Work to save your love, you can bear it from the earth. Don't Look Back de She and Him. Allez voir le nouveau clip, très cute. Mignon. Oui. Joli. Joli. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, merci Stéphanie. Ben, de rien, Mathieu. C'était à ce que je sache ton bloc. Guess what? Me semble. Si je me rappelle bien, avec les nouvelles artistiques et culturelles de la semaine. Et puis, ben, il y en aura un autre la semaine prochaine. Comme d'habitude. Ça veut dire ça. C'est une chronique hebdomadaire qu'on appelle. Je sais pas pourquoi je dis des affaires comme ça, c'est n'importe quoi. J'en ai aucune idée. Alors, on est rendu au position numéro 8 du côté anglophone. C'est Chili Gonzalez avec Never Stop qui monte de 5 places. Et côté franco, à la 8e position, Johnny Malaise de Jérôme Dupuis-Cloutier qui baisse de 3 positions. On va rester fou au 89 FM. Une émission, elle aussi, hebdomadaire. Oui. L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. Jamais qu'il consumait le pied, c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le tien. Une main moite tu lui tends, il lui crache dedans. Par la pire insulte il te frappe pour que ton petit cœur dérape. Les pieds c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant de sien. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant de tien. Oui, il est seul, il n'a pas d'amis, mais il est heureux ainsi. Attention au cœur fragile. Numéro 8. again. Chili Gonzalez et Never Stop, position numéro 8. Oui, 8. Anglophone. Et avant, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise. Et c'est la fin de la deuxième heure. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y en a une troisième qui s'en vient tout à l'heure. Il va y avoir, entre autres, Panache, Vulgar Machin, Vanessa Parieter, Weezer, Nans and Nat, Atomic Baobab et les New Pornographers. Alors, restez avec nous. C'est pas mal assez fou. Tu en as essoufflé? Non? T'as l'air essoufflé, ouais. Moi, disons que ça me prend moins de choses pour m'essouffler, hein? Restez là. Ah, c'est fou, le rouleau. Tu lances un stylo, est-ce que t'es capable de l'attraper sans faire de dégâts? On va essayer. Et suis-je capable de le lancer? Attention. Woo! Pas pire, on est bon, elle l'a eu. On est trop fort. Caroline, c'est pas un sport, mais presque. Lancer des stylos. Attends, si je te le lance, non, l'attraper? Attention. Ce qui est un sport, par contre, c'est le quiz C'est fou la musique qui a lieu derrière nous. On est en direct les jeudis après-midi, pour ceux qui sont pas au courant des rediffusions. Et juste en arrière de moi, ici, au-delà de ce mur, il y a un quiz animé par Nicolas Ducharme. C'est vraiment très, très bon. J'aimerais ça pouvoir y assister. Malheureusement, on a une émission à faire quand même. Ouais, c'est un peu poche. J'aimerais ça pouvoir enlever le mur pour qu'on puisse animer live puis qu'on regarde ce qui se passe. Si seulement il y avait une fenêtre dans le mur derrière moi. Il y a eu une fenêtre pendant comme 10 ans. Puis à un moment donné, ils l'ont enlevé. Là, il est plus là. J'étais pas là. C'est ça. C'était beau. Le bon temps. Ah. Que voulez-vous? La chasse-galerie n'a plus de fenêtre. Vous êtes au Palmarès C'est fou, qu'on lance de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Soyons très officiels et réaccueillons-vous-le dont nous. Mettons. Mathieu Plante. Mathieu Plante, Stéphanie Gagné. Absolument. Voilà. Troisième heure qui commence avec les positions numéro 7. Par contre, on saute par-dessus deux positions en anglophone. On va sauter par-dessus Danko Jones en septième anglophone, Magic Snake. En sixième, c'est Hooded Fang avec Laughing. On va entendre seulement le franco. Oui, on va entendre Martin Léon avec Prends-moi tel quel à la sixième position qui baisse de deux. Et à la septième position, on commence avec Jimmy Hunt avec Everything Crash qui reste stable. Vous êtes au 89 FM. C'est fou la musique. C'est fou la musique. Ou c'est fou 89,1 à la chasse galerie qui est écrit ses affiches, je pense. C'est quand même la même chose. On va être à la chasse. À côté. J'ai mis du gaz pour se faire dans l'iPod de Marianne. Elle m'a donné son Jack et Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crash. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main entre ses jambes. Everything crash. J'ai mis du gaz pour te faire dans l'iPod de Marianne. Mais j'ai gardé son Jack Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. Je vais devoir me rassembler tous les jours en rêvant à ses mains. Everything crash. Je sentir au revoir Marianne. Mais j'ai gardé son Jackie Me Too et le best of Ethiopian. Empty crush. Téléon, la pièce Prends-moi tel quel en position numéro 6, Franco. On est rendu au numéro 5, hein? Oui, on est rendu au numéro 5.

5. Cigarette. numéro 4. Hang On, c'était à la quatrième position, c'était au numéro 3 la semaine dernière. Avant, c'était Panache avec Bouvier-Bernois, l'ancien numéro 1, qui est maintenant en quatrième place. C'est sur leur album, qui s'appelle aussi Panache, un album qu'on appelle homonyme dans le domaine. Homonyme et non éponyme. Et voilà, c'est la règle, hein, tu le savais? Oui. Parce que sinon, c'est comme le contraire quand l'artiste donne son nom à l'album, mais c'est le contraire de quand l'album donnerait son nom à l'artiste. Exactement. Ça, c'est éponyme. Ça, c'est éponyme. C'est clair, là? Mais c'est un peu rare. Pourquoi est-ce qu'un artiste aurait déjà un album sans avoir son nom d'artiste? Ben, c'est pour ça qu'on dit pas éponyme. C'est ça. Et voilà! Et c'est fun, c'est le fun, c'est fun. Et on est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, on va avoir Sufjan Stevens avec I Walked. Ça monte de 3 places. Et côté franco, Vulgaire Machin avec une chanson acoustique de leur album Requiem pour les sourds. C'était au numéro 9 la semaine dernière. Ça, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, une chanson qu'on appelle une chanson acoustique, mais qui dans le fond n'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas une chanson acoustique dans la vraie vie. Pas. Ben, ça a sûrement un nom, ça. On appelle ça vulgarisation machinisée. OK. Là, ton palmarès, c'est fou. Yeah. Au retour, Sufjan Stevens, The New Pornographers. Et qui seront nos positions numéro 1? C'est dur à dire, finalement. J'analyse les chiffres et je vous reviens là-dessus. OK, c'est... Est-ce que je mets le 1 l'autre bord, puis je tiens, puis un petit bling? Ah, c'est fou, là, vous avez... 89-1-9. Numéro 3. Bye. Tu demandes qu'est-ce que c'est ça, Stéphanie? Qu'est-ce que c'est? Sufjan Stevens. Sufjan Stevens, et c'est excellent. La pièce s'appelle I Walk, c'est en position numéro 3, ça monte de 3 places. Et avant, c'était une chanson acoustique qui n'est pas une chanson acoustique. Non, c'est ironique. Des vulgaires machins. On a dit que c'était de la vulgarisation machinesque. Si tu le dis. Dire qu'une chanson est acoustique, mais qu'elle n'est pas. Bon. Ou encore, c'est mentir. Je pense qu'il y avait peut-être déjà un mot pour ça, mais que voulez-vous. Alors, on est rendu au position numéro 2. On est très près du sommet de la crème de la crème, de la crème de la crème, parce que notre émission, c'est la crème de la crème. Puis là, ben, quand t'arrives au sommet, c'est la crème de la crème de la crème de la crème. Hein? Tout à fait. Bon, on se comprend. Position numéro 2, anglophone, c'est The New Pornographers avec My Shepherd. Ça monte de 7 places. C'est sur l'album Together. Et côté francophone, c'était le numéro 3 de la semaine dernière. C'est Adam avec Ligne secondaire. Oh oui, oh oui. C'est Adam ou Adam? J'en ai aucune idée. Je pensais que tu me l'avais dit la semaine passée. On dit n'importe quoi parce qu'on le sait pas. On leur a pas demandé. Adam, alors. Adam, mettons. Comme Adam. Adam. C'est ça qu'ils disent dans les films américains. Ouais. Justement, dans le film que je t'allais voir cette semaine, ouais, il s'appelait comme ça. OK. Puis quand il s'appelle Aaron, ça, je trouve ça vraiment drôle. Là. C'est comme Aaron, mais c'est Aaron Siba. Comment? Ou Keith, c'est Kiss. Kiss? Oui, dans One Tree Hill, c'est Kiss. Ah, oh, ça n'a pas de sens. C'est vraiment tombé. Dans le film que je t'allais voir, là, il chantait Happy Birthday, mais tout le monde chante encore Happy Birthday. Je voulais mourir. Ah, les Français, hein? Après ça, on se demande pourquoi on va pas voir des films ou des séries télé en français. On a peut-être l'air prétentieux. Non, c'est que souvent, c'est juste vraiment pas bon en français. Vraiment? C'est épouvantable comment juste les voix peuvent tout changer une émission. La seule raison d'aimer quelque chose doublé, c'est si t'as vu ou entendu que ça de ta vie. Donc, tu dis que c'est ça le film. C'est vraiment comme ça dans la vraie exact. Vie. Exact. Mais quand t'as vu l'original, tu te dis « Ah non, ben regardons ça, comment c'est tellement donc plus rempli d'émotions et de... » C'est vrai, il y a plein de films que j'ai vus en français puis je les ai jamais vus en anglais. Fait que pour moi, ils sont bons. Oui. Mais des séries télé, je les écoute toutes en anglais. Puis quand que je vois ça à TV en français, aïe aïe, en effet. C'est vraiment mauvais, là. 70, là, je m'excuse, c'est pas bon. Ah, je sais pas, c'est pas... C'est, il me semble que c'est une de celles que je trouve pas si bien en français. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Parce que moi, j'ai vraiment suivi la Family Show intense. Ouais. Je les ai toutes écoutées, j'ai la petite boîte... toute la kit, là, puis en français, je trouve pas ça drôle. Ouais. Parce que, tu sais, c'est une émission de jokes. Tu peux pas traduire des jokes. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur les jeux de mots. Moi, imagine si l'émission, mettons, était traduite en anglais, comment qu'elle aurait plus de sens. T'sais? C'est déjà mauvais, ça serait pire traduit. Imagine comment ça serait de la grosse marque. Alors, écoutez, on était rendu où déjà? Adam. Comme si on avait tant de temps que ça à perdre aujourd'hui. Oui, on est rendu à Adam ou Adam avec Ligne secondaire. On écoute ça en direct pour les gens du jeudi. Au palmarès, c'est fou parce que les palmarès, c'est fou, c'est la musique de demain. En rappel, le lendemain d'aujourd'hui ou la semaine prochaine. Ça dépend du moment. Ça dépend des qui. Ça dépend des qui. T'écoutes ça quand? Qui? Hein? Des enfants? Salut les enfants? Hein? Bon, on l'écoute la pièce, hein? Justement. Le long de la ligne secondaire, peut chercher le pourquoi, trouver une façon. Les cadres ont enregistré tous ses soupçons. Son paradis cérébral cache son instinct animal. Ses lèvres ont laissé des traces de son venin. Courir à contre-courant jusqu'au matin. La folie a eu raison de tes manières. Tu m'as laissé tomber tes repas. Destination en zone. numéro 2. Out windows, the splash and jangle of a secret science defiant. You claim some golden age is upon us. You always love short story form, the science behind it, the hidden doors. You live for flame in the attractions. Shepherd de la formation The New Pornographers en position numéro 2 anglophone, ça a monté de 7 places. Et avant, c'était Ligne secondaire de Adam qui était à la 3e position la semaine dernière. On aime ce bloc-là, en tout cas, moi je l'adore. C'était très bon. Très, très, très bon bloc. On est déjà rendu à la fin de nos palmarès, ou presque, hein, c'est les positions numéro 1. Numéro parce que c'est au féminin, c'est une position. C'est une. Yeah. Et pas. Colin, je me sens comme tout bouleversé. Là, dis-moi pas. Dis-moi pas que t'aimes pas mes blagues. Dis-moi pas. Dis-moi pas. Que t'aimes pas mes blagues. That you do not like. Not my joke. Hein? Pas drôle. Pas drôle? si je te fais un signe que je te ferai pas en vrai, mais que je, à la radio, on va faire comme si je te le faisais en ce moment, là, tu sais. Puis là, tu le regardais comme à l'envers. Il y aurait comme un reflet, mettons, si je regarde dans un miroir. C'est ça. Mais ce serait quand même un signe vraiment désagréable pour toi, tu sais. Ça n'a pas rapport, hein? Aucun. C'est pas grave, mais j'ai rien à dire sur le reflet. Qu'est-ce que je te dis, le reflet? C'est un reflet de ma personnalité que je n'ai rien à dire. Bon. Donc, on écoute les pièces, puis on en reparle après. C'est les numéros 1 des Palmarès, c'est fou. Pire semaine à date. Feeling so sing a song to you to come running home. There's no way for me to know how you're feeling when you're gone. If you sing all the wrong songs, if you're feeling so alone, are you feeling? Pamarès, c'est fou de cette semaine, mais avant de dire nos numéros 1, petit récapitulatif de chaque côté. En francophone, troisième position, Vulgaire Machin avec une chanson acoustique. En deuxième, ligne secondaire d'Adam. Et en première, on a entendu Valès Parietta avec Le Reflet qui monte d'une place. Côté anglo, troisième position, Sufjan Stevens avec I Walked. Deuxième position qui monte de 7, My Shepherd, The New Pornographers. Et première position qui monte de 9, Nads and Nat avec la pièce Tell Me. Oh que oui, c'est la fin des Palmarès, c'est fou pour cette semaine que nous venons de vivre tous ensemble, celle du 24 au 30 janvier 2011. Stéphanie va rester avec les auditeurs du jeudi pour une paix bêche en mission. Qu'est-ce qui oui. s'en vient? Est-ce que tu ris du fait que je parle vite parce qu'il reste très peu de temps? Absolument. Il va y avoir The Stills Band of Skulls, The Big Pink, Carquois, Colorado, plein de bonnes choses. C'était le Pabèche en mission. Ça nous suit les jeudis à 17h. On rappelle les mardis à 13h. Les auditeurs du vendredi vont rejoindre les Lutins de l'Enfer dans quelques minutes. On se quitte avec un extrait d'un des CD du Pabèche électronique. C'est la pièce Over and Above Blossom Take du projet italien Death in Plains, tiré de l'album Unreleased /Demo/Past, qui prend la troisième position du palmarès électronique et qui est disponible gratuitement en téléchargement. Passez par le lien sur assemblagerequis.com. Moi, je vous retrouve lundi matin à 7h à Assemblage Requis et la semaine prochaine pour C'était fou et les palmarès c'est fou. Ça commence à 13h les jeudis. Passez une excellente fin de semaine. Bonne émission, Stéphanie. Merci. Bye, Mathieu. Bonne fin de semaine aussi. Là. Pas juste bonne émission. Faites tout bien puis tout va bien. Fait que amuse-toi là-dedans. Patauge dans le plaisir. Quoi. Merci. Toi aussi, Mathieu. Fait plaisir. Merci aussi. Et au revoir. Est-ce que tu veux que j'arrête de parler? Au revoir, Mathieu. OK. Bye. Salut, là.